En Corée, le rassemblement de masse de la ville de Pyongyang a eu lieu le 25 sur la place Kim Il-sung à l'occasion de la journée de la lutte anti-américaine 25 juin. Y ont pris part Park Bong-joo, Choi Ryong-hae, ainsi que d'autres cadres responsables du parti et de l'État, un président de parti ami, les permanents des organisations des travailleurs, les fonctionnaires des ministères et établissements centraux, les officiels des usines et entreprises, des fermes coopératives et des écoles supérieures de la ville de Pyongyang, ainsi que les travailleurs, les jeunes et étudiants de la ville. Y ont figuré également les compatriotes d'outre-mer en visite dans la patrie socialiste et le délégué de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste. Y ont été invités les représentants diplomatiques et leurs collaborateurs, les membres du corps des attachés militaires en Corée, ainsi que des hôtes étrangers. Les orateurs ont dit qu'une soixantaine d'années ont passé après le cessez-le-feu, mais les impérialistes américains, au lieu de tirer la leçon requise de leur défaite honteuse subie dans la guerre de Corée, occupent toujours de façon illégale la Corée du Sud et livrent sans cesse les menées d'étranglement contre notre République. Et de continuer. Ils ont même effectué les provocations outrageantes pour vérifier l'état de l'opération d'élimination de la direction impardonnable visant le cerveau de notre révolution et l'écroulement du système. Si les impérialistes américains et la bande des traîtres sud-coréens portent atteinte le moindre du monde à la dignité et à la souveraineté de notre République, malgré nos avertissements réitérés, le bastion ennemi sera mis au feu pour faire éclater le foyer de guerre et nous réaliserons infailliblement la cause historique de réunification du pays. Ensuite, il y a eu le défilé de masse. Par ailleurs, le même jour et à la même occasion, les rassemblements de masse se sont tenus dans toutes les provinces, villes et arrondissements.